Give me all the mic, yeah. Whoop, whoop. Bad it on, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah, I do. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah, I do. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah. Put him up, yeah, I do. 1, 2, 3, 4, tu vas finir à 4. J'ai tellement envie de lui ôter tous ses vêtements. J'ai tellement envie qu'elle descende doucement. J'ai tellement envie qu'elle le lèche en l'agitant. Et je ferai des bouillaka, yaka, bouilla, bouillaka. 1, 2, 3, 4, tu vas finir à 4. Ma demoiselle est telle une chouette, elle ne vit que la nuit. Robe de soirée, elle se la pète quand elle bouge en bonani. Car quand elle danse, rien ne l'arrête, accompagnée de ses amis. Tu peux y aller cacher direct, elle sort du même acabit. Elle te la raconte, c'est un film, c'est une vraie michonneuse. Pourtant c'est tatoué sur son front que t'es juste qu'une profiteuse. Il y a que le luxe, le cul et l'argent qui peuvent la rendre heureuse. Son signe astrologique, c'est pestasse, mais un sang rateuse. J'ai tellement envie de lui ôter tous ses vêtements. J'ai tellement envie qu'elle descende tout doucement. J'ai tellement envie qu'elle le lèche en l'agitant. Et je ferai des bouillaka, yaka, bouilla, bouillaka. 1, 2, 3, 4, tu vas finir à 4 pattes. Pour connaître ce genre de fille, je te donne le truc idéal. Demande-lui ce qu'elle veut boire, elle dira le seul sport qu'elle pratique, c'est la danse à l'horizontale. Et pour parfaire son éthique, ce sera hôtel 5 étoiles. C'est le sosie d'Evangélie, et ça semble la satisfaire. Avec elle, tu ne peux pas faire ta vie, à moins que tu sois suicidaire. Ce n'est pas non plus le genre de fille qu'on présente à sa mère. Car elle a plus ce genre de vol que tous les avions de Royal Air. J'ai tellement envie de lui ôter tous ses vêtements. J'ai tellement envie qu'elle descende tout doucement. J'ai tellement envie qu'elle le lèche en l'agitant. Et je ferai des bouillaka, yaka, bouilla, bouillaka. 1, 2, 3, 4, tu vas finir à 4. Ma demoiselle, ça joue sexy, donc elle met des barésies. L'important pour elle cette nuit, c'est de pas finir seule dans son lit. C'est sa seule priorité. Ce qu'elle veut vraiment, c'est briller. Elle ne veut pas du mec parfait, ce qu'elle veut, c'est qu'il ait des billets. Elle croit que toute cette fille la jalouse, sa passion, c'est les partous. Elle est mec, c'est comme les DSP, elle les prend par pack de 12. Tu ne resteras qu'un plan cul, car y'a claque, tu m'as pas déçu. Car ça vraiment le cuit d'une poule en chocolat fondu. Un, deux, trois, quatre, tu vas finir à quatre. J'ai tellement envie de lui ôter tous ses vêtements. J'ai tellement